féminin en courbure féline. Je regarde en son sein le bien-être malin. Plutôt petit hôte, assez jojo, aucune anecdote, c'est elle qu'il me faut. Que tu sois la plus belle, ou Homer, la plus sensuelle. Quel plaisir, quel bonheur, de se retrouver dans ton cœur. Une musique enivrante, nourriture abondante, une lumière absorbante, pour une soirée charmante. Un baiser futile, une caresse subtile, c'est une méthode habile, sans parole inutile. Sois-y que tu sois plus romantique, ou Caroline, la plus maligne. Quel plaisir, petit paradis, de se retrouver dans ton lit. Sois-y que tu sois plus romantique, ou Caroline, la plus maligne. Quel plaisir, petit paradis, de se retrouver dans ton lit. Dessous coquin, déhanchement des reins. Arrête et viens, viens me tendre la main. Dévoile-moi ton corps, plaque-moi contre tes seins. Tais-toi ou sors, je ne veux que ton bien. Malo, que tu sois la plus salaud, ou Églantine, la plus câline. Quel plaisir enfantin, de se retrouver dans ton bain. Malo, que tu sois la plus salaud, ou Églantine, la plus câline. Quel plaisir enfantin,